Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oui, d'accord. Bah, Julien Boët, tout simplement, archéologue de formation et formé à la philo pour enfants. Je viens ici animer une activité au nom de Philocité, qui est une ASBL liégeoise, qui essaye de promouvoir la philo sous toutes ses formes et surtout la sortir des murs académiques. Et donc là, la forme particulière que je cherche à promouvoir, c'est la philosophie avec les enfants. Pour les enfants, un atelier philo, une communauté de recherche, il y a plein d'abréviations possibles. Ce qui consiste simplement à aider les enfants à penser quelque chose, ou de manière plus juste, à mieux penser quelque chose, par et pour soi-même et avec les autres. C'est intéressant pour les adultes aussi. Mais évidemment, on n'a pas entendu bien ce que vous disiez. Mais je disais que c'était aussi intéressant pour les adultes. Oui, tout à fait, il ne faut pas être trompé par l'appellation philosophie avec les enfants. C'est une mauvaise traduction, c'est une mauvaise traduction de l'américain, parce que la méthode a été créée par Matthew Lipman dans les années 70. Et à l'origine, en américain, l'optique était de donner accès à la philosophie pour l'être humain qui grandit, qui se construit, qui évolue. Donc à ce moment-là, l'adulte rentre tout à fait dans le jeu. Hein. Et donc ici, ce sera une visite, une explication du jardin qui vous entoure, qui est devant vous, avec une approche archéologique et philosophique. L'air de rien, on va essayer de s'étonner de ce que l'on voit, sans avoir une visite botanique ou agronomique, puisque là, il y a un savoir que je n'ai pas tout à fait. Par contre, on peut s'amuser à voir ce que les Romains connaissaient de telle ou telle plante. Ça, on peut le faire au retour au stand sans aucun souci. Si vous avez une question, si vous avez repéré une plante qui vous intéresse plus qu'une autre, on voit un peu, à travers un ou deux index, ce que Pline dit et relate de telle ou telle plante, tel et tel savoir à l'époque romaine. D'accord ? Allons-y. Tout le monde est là ? Oui ? Bon, on va jouer à 4, à 4-5. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, hein, qu'elle soit botanique, botaniste, d'accord, philosophique, d'accord, cuisine. C'est ça, hein, si jamais vous avez une question et tout, n'hésitez pas. Hein. Ce qui est marrant avec le micro, c'est qu'après on peut réécouter tout ça. Donc ça fait office de mémoire vivante. Alors, bienvenue au milieu du jardin de l'archéoparc de Malagne. Un jardin qui est tout autour de vous, hein, devant et derrière. Il se compose de deux grandes parties. Derrière vous, le potager, fait de toute une série d'espaces rectangulaires travaillés. Et derrière moi, devant vous, une série de parterres, plutôt de forme géométrique, bordées par des buis. Et les parterres sont soit carrés, soit en L. Alors si on prend un tout petit peu d'altitude, on voit que le jardin derrière nous s'organise autour d'une statue représentant les oies, et que l'ensemble du jardin est structuré par une grande croix et par la multiplication de cyprès. Qui ont déjà un certain âge et qui ont vécu quelques tempêtes, donc ils sont un peu tous de travers. Mais ça fait partie du charme et ça cache aussi pas mal de choses. Et donc il y a à chaque fois un truc quand on marche et qu'on regarde un peu entre les genévriers, il y a des surprises. Hein. Tiens, j'avais pas vu ça. Tiens, ça c'est quoi ? Et donc voilà, ce sera un peu ce genre de balade que je vous propose de faire. Le jardin au milieu duquel on est-il authentique ? Est-ce que celui qui vivait ici à l'archéoparc, enfin pas à l'archéoparc, mais dans la villa de Malagne, connaissait-il ce jardin-ci tel qu'il est autour de nous ? Avez-vous une idée ? Sans doute pas, les plantes ont beaucoup évolué, on les a modifiées génétiquement et ça donne qu'au XXIe siècle, c'est plus la même chose, je pense. Que madame, c'est quoi ? Que ça a évolué, ça c'est certain, au niveau des plantes, oui, je pense. Mais moi je crois que s'il y a une évolution, c'est dans, dans les plantes elles-mêmes. On a peut-être croisé des plantes avec d'autres pour créer d'autres légumes, mais ce qu'on trouve ici, c'est des légumes, des premiers légumes qu'on a trouvés sur Terre, peut-être, et donc eux connaissaient déjà ça. On voit bien qu'il y a une évolution dans la réflexion, oui. Les plantes qui sont ici autour de nous correspondent grosso modo à ce que les Romains connaissaient. Alors, comment sait-on que les Romains connaissaient ces plantes-là ? Deux sources, hein, au minimum deux sources vont nous aider. Un, l'archéologie, à travers toutes les sciences connexes telles que la paléobotanique par exemple ou la palynologie, hein, qui vont attester la présence de telle ou telle plante identifiée par la botanique aujourd'hui et qui était présente dans un site archéologique de l'époque. Et une deuxième source, c'est, comme je l'ai déjà dit, hein, les sources littéraires, dont principalement Pline, Columelle, Caton, Varron, etc., qui vont dresser la liste de toute une série de plantes qu'il était bon pour eux de cultiver pour mille et une raisons. On va essayer de les découvrir ensemble petit à petit. Pour répondre aussi, ou pour continuer à répondre à la question, vous avez constaté, normalement après avoir visité l'archéoparc, que les ruines antiques sont tout au bout de l'archéoparc, avec la pars urbana sur le plateau, sur le promontoire, la pars rusticale, les bâtiments d'exploitation ailleurs, qu'il n'y a pas de jardin là-bas. Vous avez peut-être repéré qu'il y avait une mare, et une petite haie hein, qui était bizarrement aménagée entre les bâtiments de la pars rustica et que les bâtiments étaient noyés dans un bois. Hein, vous avez le bois là derrière vous qui cache la vallée de la Lomme, si je ne me trompe pas de nom de rivière. La vallée que par contre les habitants de l'époque profitaient puisque tout était déboisé à cette époque-là. Comment est-ce que je sais que tout était déboisé à ce moment-là ? C'est que justement la palynologie, la paléobotanique a fait un ou deux tests au niveau de la mare et sous l'hypocauste. Donc les palynologues sont venus, ont prélevé un petit morceau de terre, ont vite été dans leur laboratoire faire toute une série d'incantations magiques et nous donnent une image statistique hein, du type de plante qu'il y avait ici autour de la villa. Et on constate que c'était des plantes de milieu rudéral, pas de pollen ou très peu de pollen d'arbres, très peu de pollen de céréales, donc plutôt un type de paysage vert, de prairies, d'herbage, de pâturage. D'accord ? Entre la pars urbana et la pars rustica, vous avez normalement repéré aussi un espace privé, un espace protégé par une haie. Sur un, deux, trois côtés, le quatrième n'existant pas, c'est le chemin d'accès empierré. Cet espace-là, on aurait tendance à y mettre un jardin. Malheureusement, au niveau de la mare qui est juste en contrebas, on n'a pas trouvé, on n'a pas recueilli, on n'a pas repéré de pollen, de romarin, d'un rosier ou d'un légume qui attesterait la présence d'un jardin sous n'importe quelle forme que ce soit. Au-dessus ou dans cet espace privé. Et donc voilà, il n'y a pas de jardin proprement dit à la villa gallo-romaine, mais on sait, et puisque l'archéoparc se veut être un lieu d'animation et de préservation de ce que la civilisation gallo-romaine connaissait, a créé un jardin sous deux formes différentes, le potager et le jardin d'agrément géométrique en essayant de cultiver et d'entretenir pas moins de 250 plantes ici. Comment a-t-il organisé le jardin ? Est-ce que vous pourriez me donner quelques caractéristiques que vous avez perçues au-delà de celles que j'ai déjà données ? Les plantes médicinales d'un côté ? Et donc les plantes non médicinales de l'autre. Ouais. C'est vrai que derrière moi, dans le jardin... Dans le jardin, pas de problème, pas de souci, ça. qu'est-ce que j'allais dire, moi ? Qu'il y avait une statue. Ah, la statue, oui, la statue des oies qui organise, qui est une sorte de carrefour pour le jardin structurel, le jardin formel qui est derrière moi, qui est composé de toute une série de parterres. Et ce que madame disait, c'est qu'il y avait des parterres thématiques. Il y avait le parterre des plantes médicinales, des plantes non médicinales, des plantes tinctoriales qui sont cultivées pour apporter de la couleur. Des plantes qui servent à la vannerie, les plantes qui servent à la brasserie. Il y a aussi le parterre des pots, qui est là-bas au fond dans l'ombrage. Et du côté du potager, est-ce que vous avez repéré quelque chose? Quelles sont ses caractéristiques? C'est des vieux légumes déjà. D'accord. Des légumes anciens comme le cardon, la nette, des oignons, il me semble que j'ai vu aussi. Le truc des moines, là, je ne sais plus. La monnaie des papes, oui. Voilà deux noms bien chrétiens, hein, oui. On va voir un peu ce qu'il en est. Ben okay. Oui. Mm-hmm. Ça nous intéresse. Hein. Mmh. Il y a aussi des tomates dans le potager. Il n'y a pas de tomates dans le potager. Pourquoi n'y a-t-il pas de tomates dans le potager? C'est des fruits qui ne sont pas verts. Pourquoi? Est-ce que tous les légumes doivent être verts? Ce sont des fruits qui pourrissent. Enfin, si bah, tu sais, Mathilde, tous les fruits pourrissent. Chut. C'est vrai. Elle est super bonne. Ah, le contre-argument qui fait choc, là. Pas de choix. Pas de pommes de terre non plus. Alors, pourquoi pas de tomates et pas de pommes de terre? Pas de maïs non plus. On n'a pas encore découvert l'Amérique. Wow. Oui, impeccable. Voilà encore un présupposé lourd de conséquences. Enfin, on y viendra un tout petit peu tantôt. Une autre caractéristique, c'est que les plantes n'ont pas été semées ou organisées, ou le jardin n'a pas été organisé en regroupant toutes les plantes qui fleurissent jaunes. Toutes les plantes qui fleurissent roses, ou toutes les plantes qui fleurissent au mois de mars, et toutes celles qui fleurissent au mois d'avril, ou on n'a pas regroupé non plus toutes les plantes au feuillage gris, et puis d'un autre côté, les feuillages, les feuilles toutes simples, et de l'autre côté, les feuilles rondes. Non, on a regroupé... Il y a un doigt levé. Pourquoi? Que veux-tu dire? Il y a aussi des feuilles un peu pentues. Hein? Pentues, il faudra que tu m'en montres une. Mais Pointues, tu voulais dire. Oui, avec une pointe. Il y a une multitude de feuilles différentes et c'est vrai que ça pourrait être une collection. Celui qui me ramène le plus de feuilles différentes possibles, rien que dans une zone du potager. Ce sera amusant sans détruire les plantes, hein, parce qu'il faut pouvoir les préserver pour les autres. Mais ça pourrait être un jeu qu'on pourrait lancer. En attendant, je termine mon explication quand même. Si on n'a pas planté selon tous les critères que j'ai énoncés, comment est-ce qu'on a fait? On a regroupé les plantes selon un rôle, une fonction. On a regroupé tous les légumes dont on mangeait la feuille. On a regroupé tous les légumes dont on mangeait la racine. On a regroupé tous les légumes dont on utilisait la fleur, etc., etc. Tiens, est-ce que ça ne correspondrait pas à ce qu'on a fait dans le jardin formel? Les plantes médicinales, les plantes tinctoriales, les plantes utiles pour la brasserie, pour la fabrication de la cervoise et de la bière, etc., etc. Pourquoi? Est-ce que cette manière de faire est romaine ou pas? Oui. Pourquoi oui? Parce qu'on est dans un jardin romain. Et toc, mon vieux. Pas bête, puisqu'on est dans un jardin gallo-romain et que de se faire planter comme ça, donc ça doit être romain. Pourquoi pas? Exact. Mais il va falloir le prouver. Il va falloir, en tout cas, l'argumenter. Alors, je te propose simplement que ceci, c'est que le romain avait une manière de voir le monde qui était un peu particulière. C'est une manière de l'expliquer, d'accord? Il y en a d'autres, mais voilà une manière de l'expliquer. C'est que pour le romain, la nature et la terre étaient très importantes. Et très importantes parce qu'il la nourrit. parce qu'il la soigne, parce qu'il lui permet de vivre, tout simplement. Et la cultivant, ça lui permet de mieux en mieux vivre. Il a repéré qu'en l'étudiant, en l'observant et en rassemblant toutes les connaissances, il comprenait que chaque chose, l'air de rien, avait un rôle, une fonction, une utilité quelque part dans le vaste monde qui a l'air très complexe. Un peu comme s'il voyait le monde comme une vieille horloge ou comme une montre avec des aiguilles. Quand tu ouvres la vieille horloge, quand vous ouvrez l'ancienne montre là, que je vois là, c'est un rempli de toute une série de mécanismes très complexes, faits de rouages qui s'emboîtent les uns dans les autres avec des vis, des contre-vis, qui entraînent, on ne sait trop comment, une aiguille à tourner de manière régulière. Quelque part, le monde, c'était ça pour eux. C'est que chaque plante avait son rôle, était une sorte d'engrenage qui permettait à l'autre engrenage, à une autre plante, de faire ou de jouer un rôle particulier pour que le monde tourne bien. Et c'est vrai que le monde tourne bien. Chaque année revient les mêmes saisons. Chaque année ou chaque jour, le soleil se lève. D'accord ? Et l'air de rien, la vie quotidienne a un certain sens. On comprend plus ou moins bien, on voit un peu ce qu'on peut en faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, et en même temps, ça tourne. C'est comme ça que le Romain, c'est une manière de justifier que l'on organise le jardin par fonction, par rôle. Alors je vous propose de partir un peu à la découverte d'un ou deux rôles, ou d'une ou deux plantes, et de peut-être s'interroger ou s'étonner de deux, trois choses que l'on verrait comme ça, au détour d'un chemin ou d'un pas. D'accord ? On est partant ? Okay. T'es parti ! En fait, il faut retrouver plein de feuilles différentes. Tu dis ? Il faut trouver plein de feuilles différentes. Non, on peut se balader dans le potager, regarder les choses. Vous avez peur du micro, je vois, ça. Ah, c'est quoi cette feuille? Parce que normalement, les feuilles n'ont pas des petites boules dedans. Alors, en fait, tu as touché non pas la feuille, parce que la feuille, elle est juste là en contrebas, d'accord? Elle est cette fois-ci très pointue et un peu piquante, d'accord? Par contre, là, tu touches ce que j'appellerais moi plutôt la graine. Ou en tout cas, l'enveloppe qui, tu sens bien hein, qu'il y a des petites boules dedans. Hein, donc, les graines sont dedans. Graines. Oui, tout à fait. Semble-t-il, hein, la plante va encore mûrir un tout petit peu, l'enveloppe va s'ouvrir et les graines vont tomber, elles vont pouvoir se ressemer. Cette plante s'appelle la monnaie du pape, si j'ai bonne mémoire. Oui. Alors, j'ai regardé dans Pline et pas moyen de la trouver. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est là. Jean-Luc, qui est le botaniste de l'archéoparc, a certainement eu raison de la planter. Mais dans les ouvrages que j'ai pris avec moi, j'ai pas trouvé. À cette époque-là ? À cette époque-là, en tous les cas, sous les deux noms hein, répertoriés ici, je ne la retrouve pas dans mon index, qui permet d'aller retrouver le passage dans Pline. Donc, il faudra que je fasse d'autres recherches pour justifier la présence de la monnaie du pape ici. Elle est justifiée, mais j'ai pas l'élément avec moi. Je m'arrêtais. Si on a parlé des plantes, si on a parlé de leurs fonctions, on peut peut-être aussi évoquer les techniques de jardinage qui permettent de justifier le jardin sous cette forme-ci, ici à l'archéoparc, comme étant aussi une manière de préserver le jardinage de l'époque romaine. Alors pourquoi, par exemple, avoir fait cette planche, ce parterre, sous cette forme-là ? Parce que si je réfléchis un tout petit peu, je vous propose de voir les choses comme ceci. J'ai à gérer un jardin, un potager, on est en 2014. Un bon motoculteur, je travaille tout le terrain en moins d'une demi-journée. Et je peux ressemer en grande ligne afin de produire plus et d'être plus efficace. L'air de rien, ce serait rapide et rentable. Mais j'ai l'impression qu'il me manquerait quelque chose. Ou peut-être que j'ai fait ça pour d'autres raisons. Quels pourraient être les avantages de ce type de parterre, selon vous ? Parce que Il y a une plante ici et après, il y a plein de, d'espace. Mais si cette plante meurt, tu peux reprendre des graines de cette plante et les replanter. J'essaie de reformuler ce que tu proposes en disant... tiens, il y a un grand parterre avec beaucoup d'espace vide. Hein, et si cette plante-là meurt, ou juste avant qu'elle ne meure, on récupère les graines et on peut la replanter dans l'espace vide. Ouais, c'est une solution. Donc ça veut dire qu'on aurait une planche par plante. Oui. Ce serait la suite logique de ton idée. Oui. Ouais. C'est une possibilité. Mais alors à ce moment-là, vu qu'il y a 250 plantes qui sont au moins répertoriées ici, il te faudrait 250 parterres au minimum. Oui. Ça devient beaucoup de travail. Il y a peut-être une autre solution, il y a peut-être d'autres raisons. C'est une raison possible, hein, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres raisons? Pourquoi faire ça comme ça? Oui. Mais il y a des plantes qui font bon ménage et il y en a qui s'opposent. Exact. Oui, mais aussi que c'est à taille humaine, je veux dire, on ne piétine pas quand on va jardiner ces petits carrés-là. D'accord. Je récupère le micro. Très important, parce que l'air de rien, si je m'autoculte tout le territoire, je devrais quand même marcher dedans. On peut imaginer de mettre des grandes pierres pour pouvoir passer d'une zone à l'autre en écrasant toujours le même endroit. Mais ici, typiquement, j'ai travaillé cette planche de terre de grosso modo 2 mètres de large sur 1, 2, 3, 4 petits mètres de long. Et je l'ai retourné, j'ai amélioré la terre et je n'y mets plus du tout les pieds. C'est un bel avantage parce que écraser la terre empêche l'eau de descendre très vite dans la terre et donc de toucher ou d'atteindre les racines plus vite que si j'avais écrasé la terre. Oui. D'autres raisons possibles. Est-ce que certains voient d'autres intérêts à faire ce type de planche plutôt que d'avoir travaillé tout le terrain? Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée, une autre... C'est délimiter les différentes variétés, oui, par exemple. D'accord. Ça, c'était donc soit une planche par plante, soit parce que les tels types de plantes s'entendent bien entre eux et ne s'entendent pas du tout avec les voisines. Donc, autant mettre 2 mètres de pelouse entre les deux, comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de dommages. Sinon, j'ai dit tantôt qu'elles étaient normalement regroupées par fonction ou par rôle. Donc ici, ce seront les planches des feuilles, là, ce seront les planches des racines, là, ce seront les planches des graines, etc., etc. D'où le fait qu'on puisse retrouver certaines plantes dans plusieurs planches différentes. Il y a peut-être d'autres intérêts. Hein, on ne va... Pardon ? La facilité de travail. C'est-à-dire ? Pourriez-vous être plus... Ça marche. J'exploite cette idée-là en vous la décrivant, en allant un tout petit peu plus loin. C'est que si je ne marche pas dedans, je peux aussi facilement arroser. Hein? C'est vrai que ici, je n'ai qu'une plante, mais je pourrais avoir 3 ou 4 lignes différentes et je pourrais très bien arroser l'ensemble en touchant absolument tout sans avoir à marcher dedans. Alors je pourrais non seulement arroser, mais je pourrais aussi nettoyer sans remettre le pied dedans. Je pourrais aussi alors récolter sans remettre le pied dedans, etc., etc., etc. Alors, est-ce que c'est moi qui suis, est-ce que c'est le jardinier de l'archéoparc qui est ingénieux, ou est-ce que les Romains y avaient déjà pensé, et l'avaient-ils décrit dans un livre, afin de transmettre cette technique aux générations futures? Les anciens jardins de plantes aromatiques ou de plantes médicinales, elles sont toujours formatées en délimité en petits carrés ou en petits rectangles ou en petits tout ce que vous voulez. Sur l'escalier, donc à différentes hauteurs. C'est qui parle là? C'est moi. Qui? C'est vous? Ah, voilà. Surtout qu'au niveau de la hauteur, au niveau altitude, il y a des plantes qui sont plus adaptées à certaines hauteurs. Donc on va créer les escaliers pour en faire pousser d'autres en hauteur et d'autres sur la plaine, pour améliorer la culture, justement. C'est typiquement romain. En fait, il y a aussi ces petits poireaux par là. Attends, qu'est-ce que tu demandes? En fait, il y a aussi des petits poireaux, si on regarde sur la terre. Tu crois que c'est des poireaux? Oui. Oh, à mon avis, des petits oignons qui... alors, soit qui sont tombés du... Ah ben voilà, d'accord. Ben, c'est... Ah ben, poireaux perles, voilà, tu as... C'est... Ce sont des graines qui, ou des petits oignons qui sont plantés et qui vont se développer pour donner un... Poireau perle. Voilà. D'accord. Et bon, bah, là, il remonte. Il faudra que je le signale à Jean-Luc, hein, qui est le jardinier de l'archéoparc. Peut-être pour revenir mettre un petit peu de terre dessus, hein, pour qu'il s'implante un peu mieux. Ou simplement arriver et aller réenfoncer un tout petit peu mieux. Hein, je lui signerai, merci. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, pour donner une réponse, un complément de réponse à ce que vous avez déjà tous avancé et bien avancé, c'est Palladius. Palladius, un auteur gallo-romain du 4e siècle, ou 4e ou 5e siècle, on n'est pas à ça près, qui relate, en effet, dans un extrait de son livre, l'intérêt, hein, de faire ce type de potager ainsi. Pour tous les intérêts que vous avez déjà soulevés. Donc la technique n'est pas moderne, elle est tout à fait antique. Ils avaient vu l'intérêt de tout ça et ils transmettent l'information. Ouais. D'accord. Ma casquette de philosophe pourrait intervenir ici en disant qu'on a séparé, qu'on a regroupé. Tiens, l'air de rien, est-ce que le fait de distinguer, de classer les choses serait une manière, une des premières manières de penser le monde. Est-ce que le jardinier, quand il fait quelque chose, est-ce qu'il fait d'abord un classement, une distinction? Naturellement, quoi, c'est ça que tu veux dire. Est-ce que... Par saison. Voilà, j'allais le dire aussi. Par saison. Par saison, ça repousse. Par saison, ça repousse l'air. Non, t'as pas entendu bien la question. Écoute bien la question. Qu'est-ce que vous avez dit, vous, monsieur? Je dirais que chaque parcelle se suit dans un ordre logique. Donc on va commencer sur le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc chaque plante va arriver à son apogée à telle période et puis l'autre va suivre. Si on laisse un terrain en repos, on va pouvoir pas condamner tout le terrain à être en repos. Le terrain suivant va pouvoir être isolé, donc pouvoir fonctionner lui-même d'une façon autonome. Vous n'avez pas trop chaud? Je meurs de chaud. On va se mettre à l'ombre, on va. Est-ce qu'il faisait de la rotation? Alors, la fameuse rotation, non pas triennale, mais typiquement du Moyen-Âge. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne connais pas. Plus je ne vois pas ou je n'ai pas dans ma tête l'extrait de la littérature latine qui l'atteste vraiment. La chose est bien connue au Moyen-Âge, pas de problème. Mais ici à l'archéoparc, le but n'est pas d'avoir... C'est vrai qu'il y a des planches qui sont vides, d'accord? Elles paraissent vides ici, mais en fait elles ont toutes été semées. Et il n'y a pas de volonté de passer... d'avoir une visite chronologique, hein. C'est vraiment regrouper les plantes par rôle, par fonction. Hein. Mais l'idée était bonne. Hein. Mais je reviens un tout petit peu en arrière, je pense peut-être vous regrouper sur l'idée que le classement et la distinction seraient premières. Vous avez apporté l'idée que c'est quelque part quelque chose de naturel. Hein. On vit selon les saisons. Il y a un avant et un après, donc on distingue clairement les choses et c'est peut-être de manière très naturelle que l'on fonctionne ainsi. C'est une hypothèse, il faudra peut-être la vérifier ensemble un peu plus tard. Je vous propose de... Tu n'as pas la réponse? Ah, je y a, non. Oh, ouais, ah, d'accord. Mais tu ne l'as pas plutôt que de dire n'importe quoi. Oui, c'est sûr. Ce sera au prochain épisode. Mais peut-être que ça dépend... Mais autant... Enfin, oui. Ah, on pourrait en discuter, bien sûr. Oui. Bien sûr. Parce que alors... Les Romains et l'époque médiévale, ils avaient déjà deux façons différentes de travailler la terre. Mm-hmm. Voilà, mm-hmm. Puisque le système de jachère est type de l'époque médiévale, mm-hmm. pas de l'époque romaine. Donc, c'est deux bons systèmes, mais totalement différents. Totalement différents. Mm-hmm. Réponse ou pas réponse, et puis je vous rends la... Peut-être ça dépend aussi du type de question. Hein. Il y a des questions de savoir où il y a une réponse. Est-ce que le gallo-romain connaissait telle plante? Il y a moyen d'avoir des preuves qui nous permettent, ou en tous les cas des sources qui nous permettent d'attester et de prouver qu'il connaissait ou qu'il ne connaissait pas. Il y a peut-être d'autres questions qui méritent des développements plus longs et on devine bien qu'on n'aura peut-être pas forcément de réponse, mais que chacune des étapes va nous révéler quelque chose d'important. Est-ce que le classement, est-ce que classer est une habileté qui est primordiale dans la manière dont on pense, ou avec laquelle on pense et on pense mieux, ben on sent bien que la réponse risque d'être moins évidente que Pline connaît la monnaie du pape parce qu'il la cite dans son livre 19, au paragraphe 22 de son livre intitulé « Histoire naturelle », par exemple. D'accord ? Vous voyez bien les deux types de réponses qui sont un peu différentes. Je pense aussi que les classements, ça peut être tout à fait personnel. Hein. Il n'y a peut-être pas une théorie sur les classements. Hein. Moi, j'ai des souvenirs de jardins comme ça, par exemple dans une abbaye, quand il y a un côté, donc le côté médicinal. Mais je pense que le classement ou la gestion, elle venait essentiellement de la personne qui était en charge et qui, elle, faisait ses propres choix d'après ses besoins et ses priorités. Et ça avait du sens pour elle, plutôt que d'avoir un truc... Voilà, une théorie qui vient de Dieu, c'est où, bonne pour tout le monde, quoi. Non, c'est sa propre subjectivité, ouais, quoi. C'est pas objectif, ouais. En fait. Voilà. Moi, je pense que j'irais plutôt vers un truc comme ça. Moi, je pensais un peu à la suite de ce que madame a dit, qu'il y a aussi des besoins au niveau de la santé, les besoins du printemps, la cure de désintoxication, par exemple, ou une cure où les intestins changent leur système de fonctionner, et certaines plantes amènent de l'aide pour ce changement de fonctionnement. Et à certains moments, ils avaient besoin, très grand besoin de certaines plantes. Et donc, il fallait plus de place, plus de carrés. Et tout ça disparaissait quand on arrivait au mois de septembre, parce que les besoins étaient différents. Voilà, et ça fonctionnait aussi comme ça. Oui, alors ça dépend aussi des endroits. Parce que suivant l'endroit où on est, les besoins sont différents. Oui. Donc on parle des gallo-romains. Les Romains, ils sont arrivés avec leur mode beaucoup plus chaud, beaucoup plus, etc. Et ils sont arrivés ici, ce n'était pas le même climat, donc les besoins sont différents. Donc je pense que l'adaptation, elle vient aussi de ça. Mais donc, si je comprends bien, le jardinier va peut-être classer ou regrouper ses plantes suivant ses besoins, suivant ses intérêts, suivant la saison, suivant la population qu'il a autour de lui. Mais peut-être que, justement, vous avez énoncé là... promenade du... Très bien. Peut-être avez-vous énoncé là toute une série de critères qui permettaient ou qui permettent de justifier il classe pour des raisons de fonction, pour des raisons d'utilité, pour des raisons de fonction, de saison, pour des raisons de population. Si inutile de mettre toutes des plantes, des plantes... des plantes qui soignent une maladie bien particulière, si toute la population autour de lui n'est absolument jamais malade, ou n'est pas touchée, ou ne peut difficilement être touchée par cette maladie-là. Il faisait pas. C'était même pas la peine d'y penser. Parce que ça en a fait. Voilà, aujourd'hui, vu le regard qu'on a sur le monde, on peut choisir une plante exotique parce qu'on trouve ça joli, mais à l'époque, on n'en était pas à ce genre de frivolité. On était plus pragmatique, je pense. Oui, c'était plus trivial. Plus trivial, donc plus... donc on vous a rajouté le critère de l'utilité vraiment de la plante. Oui, elle doit avoir un rôle. Ça pour rien, quoi. Juste pour faire joli. Aujourd'hui, on choisit les fleurs parce qu'on a envie d'avoir des bleus ou des roses ou des rouges. Et c'est pour ça qu'on les choisit. On se moque à peu près éperdument d'où elles viennent. Et c'est juste une question d'esthétique. Tandis qu'à l'époque, ce n'était pas une question d'esthétique. Mais c'est parce qu'on a perdu aussi le savoir de la plante. Limite, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, tu choisis du vert, du rouge, mais à la base... J'ai de la bourrache à la maison, je sais à quoi... Je sais qu'on peut la manger et je sais que c'est intéressant. C'est vrai que c'est pas la plus jolie, mais c'est une jolie fleur. Donc je conserve mes bourraches et j'en ai de plus en plus. Mais je veux dire, en règle générale, aujourd'hui, quand on décore un jardin, c'est pas vraiment par là qu'on commence à choisir ses plantes. D'accord. Et donc on va choisir telle ou telle plante pour des raisons d'esthétique, de beauté ou d'intérêt personnel. Et les autres périodes vont plutôt... choisir leur plante pour leur utilité, leur côté médicinal ou parce que ça va être profitable pour la vannerie, pour la brasserie, pour la teinture des vêtements, etc. etc. Encore. Mais donc on va classer, regrouper, je vais prendre telle plante et je ne vais pas prendre telle autre, c'est établir un classement quand même, l'air de rien. Je prends celle-ci à l'exclusion des autres, c'est de dire celles-là, je vais les mettre dans mon jardin, celles-là, je ne vais pas les mettre dans mon jardin. Est-ce que je n'ai pas établi une sorte de classement à deux colonnes, dans mon jardin, pas dans mon jardin? Oui, c'est un choix. Et c'est un choix. Donc, l'air de rien, le classement serait lié au choix. Sur une telle sorte qu'une autre. Si on la veut chez soi, c'est qu'elle est plus importante que les autres. Donc, une priorité, c'est de la mettre chez soi, peut-être même à l'abri de certaines météos dangereuses qui pourraient tuer certaines plantes. Donc, on va les protéger parce que peut-être qu'elles sont plus coûteuses aussi. Parce qu'elles avaient, au niveau de la population et au niveau même de... Je vais partir dans l'époque romaine du Sénat et tout ça. Ces gens de l'aristocratie qui avaient plus de moyens que les autres, forcément, savaient se payer ce genre de plantes-là. Donc, ces plantes-là étaient plus protégées et étaient interdites à l'accès au reste de la population. Ah oui, c'est donc, vrai, c'est, ça. C'est on vrai. Oublie de dire ça, donc, c'est vrai. Avait des, il y a des classes avait... sociales. C'est vrai, des classes sociales qui n'avaient pas accès à toutes les plantes. Ouais. Et c'est vrai, c'est comme toujours, les plus malheureux ne savaient pas se soigner aussi bien que les plus riches. Voilà. Juste une question, hein, oui. Par rapport à ce que vous dites. Oui. Donc, vous voudriez dire qu'au temps des Romains, oui. Ils ne travaillaient pas pour la communauté, mais pour eux particulièrement? Pas tous. Pas tous. Ils avaient besoin des gens pour travailler, pour faire leurs travaux, oui. Ou les champs, les animaux, oui, tout il y ça. Il y avait peut-être des jardins d'agrément aussi qui étaient travaillés. Mais les jardins médicinaux profitaient à l'ensemble. Pour tout le monde. Hein. On ne sait pas ça, on ne sait pas ça. On si. Imagine. On imagine. Soyons positifs, on imagine. J'adore. Allez, soyons positifs. Ils avaient besoin des gens en bonne santé. Donc pour qu'ils restent en bonne santé, ils les soignaient avec ce qu'ils avaient, je suppose. Ouais. Quelqu'un qui est malade est quelqu'un qui n'est plus efficace. Donc. Soyons. Oui. Mais qui donne du boulot aux médecins. Mais il n'y avait pas de médecin. Les médecins, c'était des gens qui s'occupaient d'eux. C'était quelques-uns qui s'occupaient du potager et aussi d'un potager médicinal, qui avaient le savoir des plantes parce que ça leur avait été enseigné par des anciens qui étaient là avant eux. Et eux, peut-être avec leur intelligence, avaient ajouté certaines choses ou avaient modifié d'autres. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait, je pense, dans l'ensemble. Transmis. On était respectueux de ça aussi. Hein. Oui. Il y a cette notion-là aussi, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Et comment sait-on que telle plante soigne ou soigne telle maladie ou est bonne pour ceci et pas pour autre chose? Ça, c'est aussi dans l'idéal, c'est avec l'expérience qu'on sait ce genre de choses. C'est la meilleure façon de le savoir. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas... C'est comme à l'heure actuelle, il faut décober pour tout, il faut faire des essais. Bon, il y a des gens qui n'ont pas survécu à certaines maladies parce que malheureusement, voilà... Parce que quoi, malheureusement, voilà. On n'a pas fait section avant, on a pris des volontaires pour ça, j'imagine, à l'époque, mais même médiéval aussi, quand on a eu la peste dans les domaines aussi. Les gens sur qui on a testé les produits, les plantes qu'on a essayées, qui n'ont pas survécu, on les a enterrés à l'extérieur du domaine. Et on essaie avec d'autres jusqu'au jour où on a trouvé leur remède. Je ne sais pas combien il y en a eu, mais ça a été une épidémie monstrueuse à l'époque. Bon, moi, j'échappe un peu la romaine parce que... Oui. Et comment on fait alors les premiers hommes Parce que l'air de rien. Comment on fait les premiers hommes? Pourquoi en fait? Reprécisons un peu le débat ici. Parce que... Oui, chacune des petites communautés, parce que bon, il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas la presse. Si, il y avait Internet, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, pardon, je suis mal informé. Parce que l'air de rien, si on est parti sur l'hypothèse que c'est par essai erreur qu'on a. Oui, mais l'air de rien, les tout premiers hommes. Ben, les tout premiers hommes, ils avaient un chef de clan et ils avaient aussi un magicien ou un druide ou enfin qui faisait office de médecin. Et donc, il y avait une tradition qui existait, et j'imagine qu'en fonction de ce qu'ils trouvaient, parce que comme c'est des peuples qui se déplaçaient au départ, donc ils ne trouvaient pas tout partout, donc je suppose que, plus ou moins avec la meilleure volonté du monde, ils cherchaient quand ils ne trouvaient plus une plante de remplacement, et bien, ou bien ils tombaient bien, ou bien ils tombaient mal. Ça, ce n'était pas de chance pour le premier qui essayait la chose, mais après ça, ils avaient effectivement une espèce de culture basée sur une expérience de vécu, si quand même ce qu'on fait de mieux. Et là, c'était dans l'urgence, donc on ne faisait rien, ils mouraient quand même, donc globalement, voilà. ça devait se passer un peu comme ça, quoi. Et puis, Pascal. Voilà, et on transmettait ça au druide suivant ou au magicien suivant, ou je n'ai pas le mot qui me vient, donc le sorcier suivant. Et c'était lui qui était en charge de la médecine, comme des âmes, d'ailleurs, c'était groupé. C'était du spirituel avec du médecin et tout ça, hein. Et on compte, dirait que vous avez vécu à cette époque-là, quoi. On dirait que si vous avez vécu à on aime l'histoire. Oui, on est très fan d'histoire. Donc, tout à fait. Alors, je vous propose de quand même bouger un tout petit peu et de partir à l'étonnement suivant. D'accord. On vous suit. Allez, l'étonnement suivant. L'étonnement, vous faites tous comme ça. Ah mon Dieu, suivant. Du plastique. Ça, c'est galoureux. Oui, je suis désolé pour la poche plastique. Non, mais comme ça, on s'y retrouve. Jardinier, est-ce comme faire le ménage? Jardinier, est-ce comme faire le ménage? Peut-être pas la même cadence, en tout cas, pas toutes les semaines. Moi, je crois que c'est... oui. Ouais. Allez-y. Ouais, moi, je crois que oui, parce que j'aime cuisiner quand même un petit peu, et j'aime aussi essayer de nouvelles choses. Et dans le potager, je travaille avec Isabelle, donc c'est pareil aussi, on aime bien essayer de nouvelles choses, d'autres légumes, d'autres saveurs. Et voilà, je crois que c'est intimement lié, potager et cuisine. Potager et amour. Oui, aussi. Et tout doit rester bien propre. Oui, tout ça bien propre. Voilà. Et tout doit rester bien propre. Donc, les mauvaises herbes, tout ça doit être entretenu. Donc, il y a quand même une... garder un équilibre maintenant. Est-ce qu'il faut tout enlever? Que tout le monde vive ensemble, Il faut quand même retrouver ce qu'on a mis à la base. Hein. Oui. Il y a des fois, ça devient... Juste une chose, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai l'impression, deux manières de comprendre le mot ménage différentes. Vous êtes parti sur l'idée de « je fais le ménage, faire plutôt la cuisine », et là, on est parti sur l'idée de nettoyer. Bah, aussi, oui. Il y a une certaine organisation dans un potager. Quoi. Il y a les enfants et la femme à côté. Arrête. Donc on va cultiver différemment les enfants que madame. Oui, très poétique. C'est pragmatique. Mais c'est vrai que le ménage, on peut aussi, voilà, il a plusieurs connotations. Comme vous n'êtes pas spécifié. C'était pas l'idée première, mais bon. Il y a quand même une idée d'organisation dans un potager. Absolument. Autrement, voilà. Pourquoi j'ai une très grosse organisation ménage dans ma vie et que je ne me lance pas dans une organisation potager parce que ça fait trop. On va cultiver madame de façon différente parce que madame a différentes propriétés, madame a différents rôles dans un ménage. Et monsieur là-dedans. Excusez-moi, mais... Monsieur gère, quand il sait le faire. Sinon, parfois, il doit se soumettre à certaines restrictions et conditions. Mais en général, il le fait. Voilà, il fait ce qu'il peut. Il a que deux mains, en même temps. Et en même temps, on fait une chose bien à la fois. Enfin, pour ma part, en tout cas. Je ne sais pas en faire deux. Donc, c'est ça la richesse de nos ateliers philosophiques. Je ne sais pas où on va arriver. On est parti sur le ménage, ça peut être comme une grande famille. Courageux. On pourrait donner un nom à une plante, on pourrait l'appeler une grand-père, une grand-mère, l'autre tante, l'autre oncle. Chaque parcelle aurait une propriété, aurait une sorte de signification et donnerait par rapport à ce qu'on attend d'elle. On pourrait ça, en train de temps, on serait sorcier à ce moment-là. On mettrait quelque chose en plus. J'ai une amie qui a son jardin comme ça, tous les enfants ont un morceau et... il y a leur nom sur une plaque. Comme une chambre. Quoi. Voilà, et alors chacun gère son petit... J'ai vu ça dans un reportage aussi. Une femme qui avait une énorme famille et qui donnait à chaque plante le nom de quelqu'un de sa famille. Et elle le soignait chacun à sa façon, disons, je pense à cette personne-là, ben je soigne ma plante d'une façon différente. Parce qu'elle attend ça en même temps, la plante. C'est génial. Ah bah, je vous propose de bouger un tout petit peu et de nous faire un transfert en diagonale. J'établis un petit lien, un rapport entre ce qui vient d'être dit et la plante suivante. Et puis on reviendra à travers le jardin. Venez avec moi, on marche 2 minutes. Oui. On ne le voit pas, mais on marche, hein, pour du vrai. Hein. Attention, parce qu'il ne faut pas que ça fasse de bruit, sinon je ne suis pas beau. Mis en valeur. Oui, c'est ça. C'est chouette. Un petit coup à l'ombre. Transfert dans l'espace, on se retrouve un peu à l'ombre dans le jardin formel. Et je me suis arrêté particulièrement devant cette plante-ci. hein, qui est en fleur, une belle petite fleur mauve. Quelqu'un la connaît? Oui. Quelqu'un la reconnaît? Oui. Oui. Oui, non, toi tu tiens le micro. Ah, c'est quoi? C'est laquelle? C'est du plantain. C'est du plantain. Oui, moi j'avais pris la feuille pour la gratter, pour voir le vert que ça donnait. Ah, monsieur a un doute. C'est pas la consoude? Non, bah ça ressemble. Ah. Ça ressemble à la consoude, la floraison. Ah. Pour madame? Non, je ne sais pas. Je pensais aussi que c'était de la consoude. Ah bah, si on se rapproche un tout petit peu. En fait. Ça, c'est le côté naturel du jardin. Hein. Si le jardin a été planté ici il y a une vingtaine d'années, donc les plantes ont une certaine vie, hein, ont une certaine propension à bouger un tout petit peu, à se développer, à se multiplier. Et les jardiniers, on essaie de maintenir. Et le plantain, il est là. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, c'est la difficulté. C'est toujours dommage de voir enlever certaines plantes qui sont belles et qui occupent un bel espace et qui sont en fleurs. Mais en même temps, ça perturbe le visiteur puisqu'il peut arriver à confondre le plantain et la consoude. Mais bon, voilà, ça c'est le jeu, c'est le risque que l'on court. Alors bon, pardon ? Même s'il y a une ortie là alors qu'elle devrait être là, je veux dire, ça garde quand même une certaine organisation. Hein. Oui, oui, on voit quand même que c'est bien géré tout ça. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est une ortie ? Elle s'y connaît, la dame. C'est de l'ortie blanche, du lamier. Oui, oui. Ouais. Alors, derrière vous. Oui, lamier blanc. Le lamier blanc et l'ortie, c'est la même chose. C'est la même famille. Je pense, oui. J'adore comme il dit, je vous croirais hein, comme ça, parce que je vous croirais là. J'adore. Et qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est une famille? Parce que ça a été classé comme ça. On revient sur notre idée de classement. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. On est reparti pour un tour. C'est la même famille, botaniquement parlant. Elles ont toute une série de caractéristiques qui les rassemblent. Donc toute une série de critères qui permettent de dire que ces deux plantes-là sont dans le même pot, dans la même colonne, et que les plantes qui n'ont pas les mêmes critères seront donc dans une autre colonne, dans une autre famille. Mais je reviens à ma consoude et je refais le lien avec ce qui suit. Hein. Pour passer un peu du coq à l'âne, mais il faut bien avancer, il faut bien vous donner des pistes, il faut bien vous étonner. Il y a encore 2-3 étonnements à vous proposer, et le soleil commence à taper. La consoude, c'est la plante qui nous permet de vous rappeler la théorie des signes qui date du Moyen-Âge et qui permettait d'expliquer le pourquoi cette plante-là a tel nom et pas un autre. La consoude... Pour les eaux, pourquoi? Alors, partons des eaux d'abord, pourquoi? Mais je pense que peut être utile quand on a les eaux brisées, si on fait des cataplasmes, ça soude. Enfin, c'est ce que j'ai retenu. On soude, oui. Il y a les plâtres aussi, à notre époque. Mais comment sait-on? Les attelles aussi, à l'époque. Mais comment sait-on, qu'est-ce qui nous a fait, qu'est-ce qui a fait que l'être humain à un moment donné s'est dit, cette plante-là, parce qu'elle, est-ce que la raison est suffisante d'avoir fait des essais et d'avoir testé cette plante-là sur une fracture? Le pauvre qui avait une fracture, il a dû en vivre des vertes et des pas mûres, un placard d'ortie, puis un placard de bambou, puis un placard de consoude, et c'est enfin la consoude qui l'a fait guérir. Le pauvre, pourquoi est-ce qu'on a appelé cette plante-là consoude et pas Mathusalem? Qu'est-ce que j'ai déjà entendu dire à un certain moment, suivant le dessin des feuilles, la forme de la plante, etc., ça faisait penser à quelque chose. Alors, la théorie des signes, de manière simple hein, et un peu schématique, c'est la description, les caractéristiques de la plante ou de la manière dont elle pousse, elle est formée, correspond à la fonction. Et donc ici, on a l'impression, si vous regardez ici, la feuille est comme soudée à la tige et s'en écarte un tout petit peu. Et donc la consoude porterait le nom puisque elle montre ce qu'elle fait, d'où le nom de consoude. Voilà. Et donc on pourrait retrouver d'autres exemples de cette caractéristique-là. hein, que la plante est ce qu'elle fait. La pulmonaire aussi, apparemment, qui soigne les poumons. Il y a un lien de nom, d'accord, mais est-ce que la plante montrerait qu'elle soigne les poumons? Il y a le dessin des bronchioles, là, vous voyez les taches sur les feuilles, et il paraît que ça fait penser à un poumon, quoi. D'accord, donc le pauvre a dû se faire ouvrir pour vérifier à quoi ressemblait le poumon, et... Eh ben, d'accord, eh ben, ce sera vérifié, d'accord, oui. Mais voilà, ce serait peut-être un deuxième exemple de cette théorie des signes et que le nom des plantes correspond à ce qu'elles... Je suppose qu'on leur a donné un nom qu'à partir du moment où on les a remarqués pour une raison quelconque. Classique. Voilà, à partir du moment où on les a rencontrés et qu'on les a différenciés de toutes les autres, parce que les gens, avant, devaient... prendre des plantes en main sans chercher à savoir le nom, c'était pas important. Donc le jour où on leur a donné un nom, c'est parce qu'on en a ressorti quelque chose de bien spécifique. Et alors elle a eu un nom et elle a été répertoriée, classée, etc. quoi. Mais avant ça, c'est comme quand on trouve des poissons encore ou des choses dans la mer qu'on ne connaît pas. Elles n'ont pas de nom forcément, puisqu'on ne les a jamais remarquées. Il faut d'abord être marqué pour recevoir un nom. C'est logique, ouais, ouais. Quelque part. Ah. Et les choses qu'on ne remarque pas n'ont-elles pas de nom? Est-ce qu'on pourrait vérifier cette hypothèse-là? Mais en parlant de quoi? En restant dans les plantes ou bien en même temps? Pas forcément dans le... Non, dans les plantes. Moi, je suis dans les plantes. Je ne me suis pas permis de sortir ailleurs. Hein. Je reste dans les plantes. Donc, qu'on n'a pas remarqué, tant qu'on n'a pas trouvé une fonction ou quelque chose de particulier, que ce soit esthétique ou autre, la plante... On ne lui a pas donné un nom particulier. Ça me paraît assez cohérent comme idée. Oui, moi ça me parle en tout cas. Ce serait l'être humain qui met un nom sur la plante. Voilà. Moi ça me parle. Ou sinon la plante, qu'est-ce qu'elle a besoin d'avoir un nom? Exactement. Hein? Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Moi je pense quand même que les plantes ont des noms, même si on ne sait pas encore à quoi elles fonctionnent, enfin, quelle pourrait être leur fonction par rapport à l'être humain. Moi je pense quand même que maintenant... on a répertorié, je pense, l'ensemble des choses botaniques. Et si on en découvre, ben on va essayer de les classer, justement. Parce que c'est un besoin sans doute humain de mettre les choses dans des boîtes. Voilà. Et de les appeler par leur nom. Mais peut-être qu'entre elles, on pourrait se poser la question, peut-être qu'entre elles, elles s'appellent par des petits noms. Oui, ça c'est... Je dis pas qu'elles n'ont pas de fonction utile, elles n'ont pas droit à un nom. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais les remarquer pour une façon, pour une chose ou pour l'autre. Que ce soit médicinalement ou pour tout autre... Voilà. Et toi, Julien, qu'est-ce que t'en penses? Je laisse la question courir. Parce que tu je te pense. Pas, hein, tu te mouilles pas. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais j'aimerais bien. J'ai d'autres étonnements peut-être à proposer. Si je regarde par terre juste à côté. Penser simplement. C'est peut-être mon rôle. Sinon, il y a les Adventistes, c'est ça les Adventistes, les mauvaises herbes qu'on appelle, c'est pas Adventistes? Les plantes adventices. Oui, adventices. Les plantes adventices, c'est le nom générique de ceux dont on veut se débarrasser, plutôt. Oui, mais peut-être particulièrement dans le monde agricole, non? J'hésiterais. Mais je devine, hein, en effet, j'irai dans votre sens, mais particulièrement dans un champ, les plantes adventices, les plantes qui viennent. Qui colonisent parce qu'il y a telle autre plante. Le blé, les plantes adventices du blé, les plantes adventices de l'orge, les plantes adventices du fossé. Je pense, à vérifier. Parce que là, il pourrait y avoir une connexion avec la philosophie, de dire, par exemple, ceux qui sont juifs portent un nom, ceux qui ne sont pas juifs portent un autre nom. Ceux qui ne sont pas juifs? Non, mais oui. Ça, c'est... Un exemple. C'est un exemple, ah ouais, hein, c'est un exemple. Oui, c'est pour faire un lien avec votre philosophie. D'accord, sur les étonnements qu'une visite suscite. Oui, voilà. D'accord, oui, ça va. Si on propose un autre, on viendra peut-être au vôtre si on a le temps. Je regarde juste le parterre juste d'à côté, hein, qui devrait normalement avoir une fonction X ou Y. Mais je constate qu'elle est bien entourée de buis, sans problème, que le parterre est en L, comme annoncé. Et qu'il y a une aquilée et qu'il y a une consoude. Voilà, parce qu'elle s'est reproduite et on a une explication botanique et jardinesque, que ce soit sans aucun souci. Et j'aurais peut-être Une question à vous proposer, et je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais est-ce que c'est l'Aquilée qui envahit la Consoude ou est-ce que c'est la Consoude qui envahit l'Aquilée? Moi, je crois que c'est quand même la Consoude qui s'impose, hein, comme je la vois là. Elle s'est invitée au départ, mais je pense qu'il ne lui faudra pas grand-chose pour coloniser l'affaire. Parce que c'est une question de chlorophylle. Parce que c'est pas la plante qui est la plus riche en chlorophylle qui écrase l'autre. Ce sera un élément d'explication. Oui. Mais je reviens juste un tout petit peu en arrière. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre conscience des glissements de sens possibles? Je pose la question. Est-ce que vous faites une différence ou pas entre la Consoude qui envahit l'Aquilée ou la Consoude qui prendrait le dessus sur l'Aquilée ou la Consoude qui... Quels sont les autres mots que vous avez utilisés? Les autres verbes d'action qui s'invitent? C'est plus doux, plus poétique. Ça dépend un peu si vous voulez être efficace ou pas. Si vous avez, vous vous êtes dit que ceci, l'Aquilée, eh bien, il m'en faut, j'en ai besoin, mais moi, la Consoude, je l'élimine, parce que pour moi, elle est invasive. Maintenant, si j'ai mis ça parce que j'ai un bout de terre de quoi je ne sais pas faire grand-chose et que voilà, il pousse ça et hop, j'ai une Consoude qui... Ben oui, c'est joli, pourquoi pas, c'est bien. Maintenant, il y a peut-être d'autres raisons. Hein. Ça peut être un mariage réussi, ça peut être une protection réciproque, ça peut être plein d'autres choses. Oui, c'est poussé pour savoir laquelle est la première qui est sortie. Puis, voilà. Il y a l'instant qui est la première qui s'est imposée, parce que la première qui s'est imposée... Elle est la plus forte, donc l'autre va prendre la place qui lui restera sur le côté. Donc si on va ça d'un schéma comme ça visuel, c'est la Consoude qui s'impose et l'autre qui prend la place sur le côté. Mais le tout est de savoir qui était là en premier. Parce que je pense que le monde végétal est bien fait dans ce sens-là. Mais tout. Tout est bien fait. Tout. La nature est bien faite. Même de toute façon, l'homme, déjà, en fait. Il y a des faibles, il y a des forts, des malades, des bonnes santé, etc. Et il y en a qui s'imposent, il y en a d'autres qui se reculent. Voilà, c'est comme si on avait la grosse Bertala et les petits nains à côté. Je penserais peut-être bien à ça aussi, mais bon, peut-être qu'elle a sa raison d'être avec les nains. Oui. Et on reviendrait à l'idée romaine qui veut que chaque chose a un rôle pour que le monde tourne bien. Bah oui, mais c'est ça. La nature parfois fait bien les choses. Tout à fait. Parfois. Enfin, oui, parfois. Peut-être sans présupposer qu'on peut remettre en question. L'étonnement suivant, si vous voulez bien. Oui, on marche. Ça fait combien de temps qu'on est là? Oh, mais ça va, ça fait pas une... Ça fait pas une heure qu'on... C'est pas possible, ça fait pas une heure qu'on est là? À mon avis, oui, si. Ça va faire une heure dans deux minutes, c'est possible, ça? Je sais pas, vous avez commencé quand, je sais pas. 14h30, normalement, vers 14h30. Ah oui, oui. On a dépassé le... Oui, ben d'accord, donc il est temps de... Ah, mais c'est parce que je crois que ça faisait bien 2 heures, moi. Ah, ben c'est bien, le temps passe très vite, c'est bien. Ça, c'est la caractéristique... Une des caractéristiques de l'atelier philo, peut-être, hein, c'est de... Alors, seul le temps va être frustrant, et donc j'aimerais juste vous attirer votre attention sur deux petites choses qui peuvent être utiles, en tout cas, qui apportent quelque chose au jardin. Donc, on est ici, hein, tout près du parterre dédié à la vannerie, un des deux parterres dédiés à la vannerie, donc à toutes les plantes qui seront utilisées depuis l'époque romaine, voire même avant, à tout ce qui sert de lien, voire même de création d'objets tels que les paniers, etc., etc. Et donc vous avez ici caractéristique le genêt, d'accord? Le genêt qui fait de longues tiges, très souples, mais en même temps très solides, qui tissées d'une certaine manière permettent de fabriquer d'autres choses. L'étonnement serait le suivant, hein, comment une chose si souple pourrait aboutir à quelque chose d'aussi solide? Comment quelque chose que l'on peut... faire bouger et transformer peut quand même rendre quelque chose de fixe, de durable, de dur. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Hein. Il faut être souple et pliable pour être résistant. C'est encore valable aujourd'hui. Même les buildings, ils doivent être souples pour pouvoir être résistants. Donc ça, c'est je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est une donnée... de base, quoi. Il faut être souple et dans l'éducation aussi. Hein. Oui, aussi, pour avoir une certaine résistance, exactement. Sinon, on casse si on est trop dur. C'est ça que moi, je ne sais pas expliquer. Ce qui est rigide est cassant. Voilà. C'est comme ça. C'est une constatation, une vérité ou on l'a reformulé avec le chêne et le roseau. Une loi scientifique. Une loi scientifique. Une loi scientifique, tout à fait. Il y a des lois dans la nature qui sont immuables, qui traversent les temps et qui sont toujours justes. Et celle-là, peut-être qu'elle est. Oui, elle en est. C'est solide, oui. Bah, je vous laisse avec cette l'eau use la pierre. Est-ce que c'est le même rapport que le genêt, que la souplesse du genêt qui permet de fabriquer quelque chose de solide? Pourquoi quelque chose de si souple peut devenir très dur? Bah, l'eau est très souple et pourtant elle est très solide. Et très dure. Très forte. Très puissante. Les molécules d'eau, oui, sont plus concentrées que des molécules de pierre, mais que le minéral. Donc c'est juste, c'est tout. Mais l'analogie pouvait être intéressante. Alors je vous propose un dernier étonnement, et puis je vous laisserai que ça trotte dans votre tête. Ben, je vous propose de regarder d'un autre point de vue le cornouiller. Le cornouiller qui fait partie aussi des plantes qui serviront au lien, etc. Le cornouiller de base. Mais il a une caractéristique un peu particulière. Je vais essayer de tenter de la réussir du premier coup, ça c'est moins facile. Oh, vous voyez, je déchire bêtement une feuille. Bêtement, je trouve que tu fais pas ça bêtement, Julien. Je suis magicien. Donc pour décrire au micro, j'ai pris une feuille de cornouiller, je l'ai divisée en deux. Je tiens la feuille en l'air d'un seul et l'autre morceau tient, comme par magie, tout près du premier morceau que je tiens par les doigts. C'est clair dans ma description, est clair ? Oui, mais bon, cette feuille, elle tient par les petits filaments, les petites rainures de la feuille. Hein. C'est pas par magie, je rassure tout le monde. D'accord, donc c'est la lumière qui vous a révélé le mon secret. Mais l'air de rien. Pardon, là ? David Copperfield de la plante. Voilà, exactement. Voilà. Et donc l'air de rien, suivant la luminosité, ça se voit pas du tout. Non. Et donc ça reste quand même un truc anormal et un peu magique. Et je vous proposerais de regarder cette plante et d'utiliser ce moment-là en disant la plante est un tout uniforme qui est solide, qui tient la route, et pourtant il y a quelque chose d'invisible entre les deux éléments. Qu'est-ce qui fait que deux idées tiennent la route, apportent un élément, un argument solide? Qu'est-ce qui fait qu'un exemple, entre deux idées que l'on prononce, qu'est-ce qui fait que le vide fait le ciment? Le vide entre deux idées, le vide entre deux phrases fait le ciment. Vous comprenez un peu le... Non, moi je ne vois pas très bien. Qui non peut plus formuler mon idée? Ah ben, il faudrait d'abord la savoir, votre idée. Ouais, d'accord. Je ne comprends pas complètement, moi. Non. J'ai une feuille que j'ai divisée en deux et elle tient ensemble, les deux éléments tiennent ensemble, mais si on n'avait pas vu les filaments, par quelque chose d'invisible. L'air de rien, j'utilise cette comparaison en la mettant sous notre langage à nous, sous nos conversations. Qu'est-ce qui fait l'énergie statique, continue, Julien, parce que sinon... Oui. On va, oui. Donc, dans une conversation, qu'est-ce qui fait qu'entre deux phrases, entre deux idées, entre deux arguments, la chose tient la route ou pas? Il y a des liens. Mais oui. Quel lien? Quel lien entre deux phrases? Quel lien y a-t-il entre deux idées qui fait que c'est une idée qui forme quelque chose? Mais il y a un fil conducteur, comme on appelle, en général. Ouais. Entre les deux idées exprimées. De l'énergie. Une énergie? Une énergie qui pourrait se dégager et qui fait que les choses se lient ou ne se lient pas. Peut-être que... Oui. Parce que j'ai insisté un peu plus, voir si jusqu'où je peux aller. Oh, c'est génial. Et on atteint presque... Voilà, on est déjà à 6, 8. On revient? Lâche. Voilà. Non, ça a lâché, mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. On s'improvise pas, magicien. Non, on s'improvise pas, jamais magicien. Non, je n'ai pas et les idées, des fois, elles tiennent qu'à un fil, quoi. Voilà, et j'ai pas mon diplôme encore. Donc. Ça me rassure, tu sais. Une hypothèse à vous proposer, c'est que tantôt, on a essayé de trouver toute une série de critères qui nous permettaient de comprendre comment classer les choses. On a essayé de trouver toute une série de critères pour définir. On a essayé de proposer ou de trouver un argument pour expliquer le nom de la consoude. Peut-être que ces éléments-là sont le lien transparent, ténu, mais qui existe bien entre les idées et qui forme et qui fait que cette idée tient la route, que cette idée apporte quelque chose, que cette idée forme une information sur laquelle on peut s'appuyer qui nous permet de passer ou aller vers le pas suivant, vers l'information suivante, vers le parterre suivant. Voilà, je vous laisse sur cette hypothèse-là, vérifier, confirmer que ça trotte dans votre tête. C'était super. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Aussi, je trouve ça chouette. Et voilà, si profitez du jardin, rafraîchissez-vous un peu. Et puis...